59. La biopiraterie, ou la privatisation des savoirs traditionnels. Lu par Justine Miseau. La biopiraterie, ou la privatisation des savoirs traditionnels. L'ayahuasca est une boisson traditionnelle des Indiens d'Amazonie. Les chamans du bassin de l'Amazone préparent ce breuvage hallucinogène à partir de l'écorce du Banisteriopsis caapi depuis des centaines d'années et le servent lors de cérémonies religieuses où la plante est censée guérir les maladies, permettre de lire dans l'avenir et communiquer avec les esprits. En 1986, l'Américain Lauren Miller obtient un brevet sur une variété de Banisteriopsis caapi qu'il affirme avoir trouvé dans un jardin amazonien. Les Indiens n'apprendront l'existence de ce brevet qu'en 1994. Immédiatement, ils exigent son annulation, arguant que les propriétés de la plante sont connues de leur peuple depuis fort longtemps. Après leur avoir tout d'abord donné raison en novembre 1999, l'Office américain confirmera le brevet 2 ans plus tard. Lauren Miller se retrouve propriétaire d'une plante traditionnelle au mépris des Indiens qui l'exploitent depuis des siècles. L'histoire de l'ayahuasca d'Amazonie illustre un phénomène en pleine expansion, la biopiraterie. Cette fois, c'est le titulaire du brevet qui est coupable de la piraterie. Il a privatisé un savoir collectif. Ce retournement de l'usage habituel du mot « pirate » est une nouvelle preuve de la plasticité du terme. Où des entreprises du Nord s'approprient des connaissances ou des ressources traditionnelles des pays du Sud en déposant des brevets. Utilisé pour ses propriétés curatives et insecticides depuis plus de 5000 ans, l'arbre asiatique Neem a connu le même sort en Europe en 1994. Quand la société américaine W.R. Grace a obtenu un brevet sur un insecticide contenu à partir de ses graines. L'entreprise texane Ricetech a elle aussi protégé certaines lignées de riz basmati, captant à son seul profit le travail de sélection de générations d'agriculteurs indiens. Sous l'expression très comme il faut de protection de la propriété intellectuelle, se dissimule une féroce entreprise de dépossession des pays en développement, constate un rapport gouvernemental français dans le Conseil d'analyse économique propriété intellectuelle disponible à la documentation française. L'immense majorité des nouveaux médicaments et produits agricoles est issue des plantes, et c'est au Sud que celles-ci sont les plus nombreuses. Les entreprises du Nord ont compris l'intérêt qu'elles pourraient tirer de cette situation et elles envoient des émissaires pour piller les savoirs traditionnels. Des représentants de sociétés étrangères sont venus ici plusieurs fois. Ils voulaient savoir comment j'utilise mes plantes pour soigner mes malades. Une fois qu'ils savent, ils repartent, font des manipulations génétiques de nos plantes, déposent un brevet du principe actif et deviennent les propriétaires à l'autre bout du monde de ce que nous savons et de la végétation qui nous entoure, raconte le chaman bolivien Don Miguel dans « Voleurs de plantes ». Par Viterio de Philippis dans le Libération du 15 décembre 1999. La légèreté des offices du brevet et leur incapacité à vérifier si l'invention qu'on leur présente est réellement novatrice, notamment parce qu'une grande partie des savoirs traditionnels est transmise oralement, accentue cette dérive. Dans certains cas, les populations indigènes parviennent à faire annuler les brevets. Les Indiens ont pu ainsi faire révoquer l'insecticide de W.R. Grace par la mobilisation internationale tout en apportant la preuve de l'antériorité de leur savoir grâce à un texte en sanskrit. Mais pour un cas réglé, combien y a-t-il d'injustices ? La Convention sur la biodiversité biologique signée à Rio en 1992 avait, en théorie, pour objet de mettre un terme à ce pillage. Mais de sommet en sommet, le même constat d'échec revient toujours. Parfois, un accord est trouvé et une tribu se voit gratifiée de royalties. Mais aucune règle ne parvient réellement à s'imposer. Deux visions du monde s'affrontent. Pour les communautés locales, leur savoir appartient au patrimoine commun. Il ne peut donc appartenir à personne en particulier. Les firmes du Nord n'ont pas ces scrupules et pratiquent la privatisation des connaissances en affirmant qu'elles, au moins, sauront les faire fructifier sur un marché mondial.